Ce soir, je veux faire une conférence dans le domaine de la psychologie. C'est une conférence très, très importante. Parce que c'est un sujet qui touche tous les hommes, qui touche tous les égaux. C'est un sujet qui est universel. Je veux expliquer les mécanismes de ce que l'on appelle, en termes communs, les attitudes. Les hommes, l'inconscience humaine, en général, elle est fondée sur des mécanismes psychologiques qu'on appelle ou qu'on peut appeler des attitudes. Qu'est-ce que c'est une attitude? Le monde des attitudes, c'est un monde extrêmement complexe. Et le monde des attitudes varie avec chaque individu. Il n'y a pas un individu qui a les attitudes d'un autre individu. Il y a des individus qui sont plus prisonniers de leurs attitudes que d'autres. Et il y a des individus qui souffrent plus de leurs attitudes que d'autres. Et il y a des mécanismes émotifs et mentaux où il y a des mécanismes astro en ce qui concerne les attitudes. Puis c'est réellement ceci que je veux expliquer en profondeur ce soir. Une attitude, c'est effectivement une enveloppe. Je vous donne ça graphiquement, là. Une attitude, ça fonctionne comme une enveloppe. C'est quelque chose qui enveloppe l'ego. C'est quelque chose qui permet à l'ego de rationaliser tous ses comportements. C'est une situation psychologique qui entraîne l'ego pendant des années et des années à se développer de plus en plus une sorte de carapace. Maintenant, la carapace des égos varie selon la nature de leurs attitudes. Il y a des égos qui ont des carapaces moins épaisses, il y a des égos qui ont des carapaces plus épaisses. Mais qu'une carapace soit épaisse ou pas épaisse, une carapace, elle est toujours formée de ce qu'on appelle les attitudes. Et une attitude, ce n'est jamais bon. Parce qu'une attitude empêche que l'homme découvre son potentiel intelligent. Ce que les attitudes empêchent chez l'homme, c'est la découverte du potentiel de l'intelligence humaine. De sorte qu'une attitude, si ce n'est pas mise en échec au cours des années, devient de plus en plus forte. Elle se fossilise de plus en plus, elle s'enracine de plus en plus et vient un temps après un certain nombre d'années, surtout quand on est arrivé dans la quarantaine, la cinquantaine, où on ne peut plus réellement briser nos attitudes. Et en société, on dit souvent que quand un gars est rendu à un certain âge, tu peux plus le changer. Tu sais, quand tu dis tu peux plus changer ou il peut plus changer, c'est parce que les attitudes se sont trop fossilisées. Les attitudes chez les jeunes peuvent être changées. Mais les attitudes chez les gens plus évolués, c'est-à-dire plus âgés, deviennent de plus en plus difficiles. Et rendu à un certain âge, c'est extrêmement difficile de défaire ou de briser une attitude. Ça prend énormément de bonne volonté. Ça prend énormément de désir de changer, ainsi de suite. Dans le cadre d'une conscience créative ou d'une psychologie créative ou d'une étude créative de l'homme, où les mécanismes de l'homme sont expliqués à volonté, il est possible à tous les hommes de changer leurs attitudes pour en arriver à sortir complètement de leurs attitudes. Les hommes, en général, quand ils sont inconscients, vont changer d'attitude, mais ils vont en prendre un autre. Alors, changer d'attitude pour en prendre un autre, ça ne change rien. Ça altère le comportement, mais ça ne change rien dans l'homme. Autrement dit, ça ne lui permet pas à cet homme-là de développer un plus grand potentiel de son intelligence. Et le but de la destruction des attitudes chez l'homme, c'est pour qu'il en arrive éventuellement à toucher de son intelligence, c'est-à-dire à toucher de son potentiel interne, pour qu'il en arrive à être réellement bien à sa peau et à se connaître très bien lui-même et à très bien fonctionner en relation avec les autres. Le problème des attitudes chez l'homme, c'est pas simplement un problème vis-à-vis soi-même, mais c'est un problème aussi vis-à-vis les autres. Et plus un homme est incapable, ou moins un homme est capable de détruire en lui et de voir ses attitudes, moins il est capable de perfectionner sa relation avec les autres hommes ou perfectionner son intelligence de la relation avec les autres hommes. Le phénomène des attitudes, c'est un phénomène qui est... c'est un phénomène monstre. Parce que ce qui est dangereux avec les attitudes, c'est que ce sont comme des veines. Les attitudes sont comme des veines qui nourrissent un corps. Alors, les attitudes sont les veines du corps astral. Le corps physique a des veines, le sang passe dans les veines du corps physique et le nourrit. Alors, les attitudes nourrissent, sont comme des veines qui nourrissent le corps astral. Alors, vous pouvez vous imaginer l'importance des attitudes dans la formation du corps astral, dans la constitution du corps astral, dans le développement du corps astral, dans son équilibre ou dans son déséquilibre. Et si l'on considère les attitudes comme étant un système veineux, qui a la même correspondance sur le plan matériel au système veineux du corps physique, si le mot veineux est juste, à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est extrêmement important pour l'homme de comprendre ses attitudes, d'en arriver à les reconnaître et d'en arriver éventuellement à pouvoir s'en débarrasser d'une façon totale. Parce qu'un homme qui ne réussit pas dans sa vie à détruire et à éliminer ses attitudes par l'intelligence est voué au fur et à mesure qu'il avance dans la vie, au fur et à mesure qu'il progresse dans la vie, à vivre une vie qui sera conditionnée par ce système-là qui nourrira son corps astral et qui donnera à sa personnalité une certaine couleur, mais qui enlèvera à cet homme le potentiel de découverte de son intelligence réelle. Il y a dans la vie, il y a dans l'homme des attitudes qui sont extrêmement marquantes. Je vous donne un exemple d'une attitude marquante pour vous faire comprendre un peu l'aspect subtil et l'aspect difficile à réaliser de ce fameux phénomène humain. Prenez, par exemple, le phénomène de la jalousie. Le phénomène de la jalousie, c'est un phénomène qui est fondé sur l'étroite relation entre une très grande inconscience de ses attitudes vis-à-vis un problème quelconque dans notre vie personnelle. Autrement dit, être jaloux, souffrir de jalousie, c'est être incapable de comprendre, de réaliser, de percevoir qu'on est prisonnier de nos attitudes et que nos attitudes nous servent à résoudre ou à ne pas résoudre un problème qui existe dans notre vie et qui fait partie de notre caractère et de notre tempérament. Une personne qui est jalouse, par exemple, c'est une personne qui souffre d'insécurité. Plus la jalousie est grande, plus l'insécurité est grande. Plus l'insécurité est grande, moins la personne est capable de se servir de son intelligence réelle pour voir à travers le jeu des attitudes, pour éventuellement saigner à blanc son corps astral, pour en arriver éventuellement à se dégonfler astralement, c'est-à-dire se dégonfler émotivement, et ainsi relâcher la pression qui se crée sur le plan mental, pour éventuellement en arriver à sortir de cette souffrance, de cette maladie même, si ça va trop loin, du mécanisme de la jalousie. Mais une personne qui est jalouse ne verra pas et ne comprendra pas ses attitudes. Parce que ses attitudes envers son mari, elle les réalisera comme faisant partie d'une comme faisant partie d'elle-même, c'est-à-dire comme faisant partie d'une juste approximation de ce qu'elle a droit. Ah, elle a droit à l'amour de son mari, elle a droit à la présence de son mari, elle a droit à sa souveraineté sur son mari, elle a droit à la fidélité sur son mari. Ça, c'est normal. Dans ce sens qu'il y a une entente mutuelle entre le mari et elle. Mais ça va plus loin que ça. Parce que ces attitudes qui dégénèrent en un mécanisme de jalousie sont tellement fossilisées que c'est plus simplement qu'elle réalise son mari doit être fidèle, que son mari doit être ci, que son mari doit être ça. Mais elle veut même pas qu'il regarde une autre femme. Elle veut même pas qu'il pogne une cuisse à l'autre. En jouant. Ou par humour. Elle veut même pas qu'il pogne les joues. Elle veut même pas qu'il travaille overtime le soir. Dans le bureau, avec sa secrétaire. Elle veut rien de ça. Parce que ses attitudes, étant un système de veines, sont rendues tellement fossilisées que le sang, il passe plus dedans. Autrement dit, elle est asphyxiée, la femme. Elle est asphyxiée. Alors, les veines du corps astral, pour qu'ils soient en santé, faut qu'il y ait un certain volume. Faut qu'il y ait une certaine plasticité. Alors, qu'est-ce que ça fait une attitude? Ça rigidifie, ça régimente la conscience astrale. Et ça peut la régimenter à un tel point qu'éventuellement les veines ne peuvent plus laisser passer le sang, autrement dit, ne peuvent plus laisser passer des sentiments normaux. Et quand les veines cessent de laisser passer des sentiments normaux, il se produit un renflouement. Et le renflouement, ce sont des sentiments qui ne sont plus normaux. Ou normaux. Fait que quand le jus passe plus dans les veines, là, il se produit un renflouement, puis ça devient de la jalousie. Alors, la jalousie ne vient pas dans l'homme toute faite. La jalousie, elle est toujours le produit de quelque chose. La jalousie est toujours le résultat de quelque chose. Et tous vos défauts, je prends la jalousie comme exemple, parce que c'est un phénomène assez intéressant. Mais tous les défauts qui existent dans la personne humaine proviennent d'un mécanisme universel, qui est un mécanisme astral. C'est le phénomène de l'attitude. Si on va plus précisément dans l'étude, ou dans le diagnose de l'attitude, on découvre que l'attitude provient d'une perte graduelle d'intelligence créative dans l'homme. Alors, moins il y a d'intelligence créative dans l'homme, plus il y a de possibilités d'attitude. Moins il y a d'intuition réelle dans l'homme, d'intuition positive, créative, plus il y a le danger des attitudes. Parce que, savez-vous, qu'est-ce qui solidifie les attitudes? Qu'est-ce que c'est qui donne aux attitudes leur valeur psychologique, qui peuvent être rationalisées à toutes les sauces? C'est l'intellect. Et si on réalise et si on comprend que les pensées humaines, les pensées subjectives de l'homme, font partie de la manipulation astrale de l'esprit de l'homme, on s'aperçoit que les attitudes de l'homme, qui sont maintenues en vie par ces pensées-là, par le biais de toutes les motivités possibles dans l'homme, on s'aperçoit que l'homme est un être qui est foncièrement lié dans sa conscience par un système de lianes. Tu sais, des lianes comme tu trouves dans Jeune. Et ces lianes-là sont des attitudes. Et un homme qui n'arrive pas un jour à contrôler, parce qu'il y a des gens qui sont plus, je ne sais pas s'il y a un adjectif au mot attitude, mais en anglais, on dit attitudinal. Si un homme a beaucoup d'attitudes, souffre beaucoup d'attitudes, si on n'arrive pas un jour à se corriger, cet homme-là, les lianes, tout le système sanguin astral le lieront complètement, l'enfermeront dans un cocon, et cet homme-là ne pourra jamais sortir par lui-même de cette prison créée par son conditionnement psychologique, mental et émotionnel à cause du fait qu'il subit et qu'il a subi pendant des années de temps la pénétration constante, l'enracinement constant et subliminal d'un mécanisme qu'on appelle des attitudes. Une attitude, ça se rationalise tout le temps. Parce que dans une attitude, il y a énormément d'informations psychologiques. Une femme qui est jalouse, par exemple, a énormément d'informations psychologiques pour renforcer l'attitude qui crée sa jalousie. Exemple. Son mari, un soir, il ne peut pas venir à la maison, il appelle à la maison et il dit « Mon nounou, je ne peux pas venir, mon boss, il me demande de faire de l'overtime, on est bien occupé. » Puis l'après-midi, il vient de dire, mon nounou, je viens de m'engager une secrétaire, une nouvelle secrétaire. Elle est bien fine, elle est bien cute. Tu sais, ça y a passé de même. Tu sais, il a dit à sa femme, il a eu le malheur de dire à sa femme que sa secrétaire était bien fine, qu'il était bien cute. Puis le soir, il a le malheur de dire à sa femme que son boss, il veut qu'il fasse de l'overtime. Sa femme, elle, avec ses attitudes, avec son intellect, puis avec tout le système veineux qui est bien développé en elle, elle va dire, Chris, elle est belle l'après-midi, puis le soir, il y a de l'overtime. Fait qu'automatiquement, elle, elle va faire de l'overtime pour lui. Fait qu'automatiquement, elle, elle va développer, renforcer l'attitude de sa jalousie. C'est-à-dire l'attitude qui mène à la jalousie, parce que l'attitude mène à la jalousie. Fait que quand je dis que nos attitudes, que dans le mécanisme de la jungle, des lianes de l'attitude, on reçoit énormément d'informations au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, pour renforcer constamment ces attitudes-là. Et l'homme doit commencer, ça c'est très important, ça c'est une clé que je vous donne. Les hommes doivent apprendre à ne jamais justifier leur pensée avant que leur pensée soit confirmée par l'événement. Autrement dit, les hommes ou les femmes ne peuvent pas se permettre d'être jalouses de leur mari parce qu'ils ont eu de l'information en trop. Le fait que le gars ait une nouvelle secrétaire, puis le fait que le soir, il fasse d'overtime. Si la femme, elle se permet de prendre cette information-là qui rentre et de la rentrer dans son système de liane, c'est final, Charlie. Là, elle va vivre, puis elle va souffrir toute la nuit de jalousie, jusqu'à temps qu'elle arrive à 3 heures du matin, bien fatiguée, avec les plans de construction en dessous de son bras. Puis là, elle va dire, vous êtes bien wise, parce qu'elle va pas montrer à son mari la jalousie. Parce qu'elle sait que c'est de la folie, la jalousie. Elle sait que c'est pas mûr, la jalousie. Elle sait que c'est pas réellement que son mari, peut-être, qu'il n'a pas fait d'overtime comme elle pensait. T'sais. Elle sait que peut-être qu'elle a fait une erreur. Fait que rendu à la maison, elle va dire, mon nounou, as-tu été bien occupé? Il va dire, oui, j'ai travaillé comme un chien. Ah, dis-moi de faire une petite tasse de thé. T'sais. C'est fini. Là, elle est contente, elle se couche, puis elle dort, puis elle se colle contre lui, puis elle est bonne pour le restant de la nuit. Mais le lendemain, les attitudes recommencent encore. Comprends-tu? Son boss, son gars, il l'appelle à 4 h l'après-midi, il dit, mon petit pitou, là, je pense qu'on est pogné, on a un contrat pour une semaine, il faut que je fasse l'overtime à soir. Là, elle a encore la même information qui était parallèle à celle d'après-midi, mais elle n'a pas oublié qu'il y a une nouvelle secrétaire pareille. Fait que là, elle va accumuler la secrétaire, plus le fait qu'il faut faire l'overtime. Puis là, elle va tout accumuler ça. Les gens qui souffrent de jalousie sont des gens qui ont une mémoire terrible. Ils ont une mémoire fantastique pour toutes les choses qui leur servent à créer la fondation de leur maladie qui est basée sur un mécanisme d'auto-envoûtement. Un mécanisme qui leur permet de se nourrir constamment par ces courants-là dans l'astral qui viennent, toutes ces lianes-là, là, tous ces systèmes veineux là, qui nourrissent et qui amènent au corps astral pendant des semaines et des mois et des années même du matériel, et eux autres n'oublient jamais ça. Les gens jaloux, ils se rappellent de tout. Elle va se rappeler s'il a fait de l'œil à la secrétaire l'an passé au party de Noël, elle va mettre ça ensemble, puis elle va se rappeler que s'il a arrêté pour parler un petit peu trop longtemps à la femme d'à côté dimanche passé. Puis ça, là, ça, c'est tout vibratoire, ça. Puis ça s'accumule, puis cette nourriture-là, elle rentre dans le système veineux, puis éventuellement, elle construit un corps astral tellement débalancé que si vous le voyez, ce corps astral-là, vous verriez un monstre. Mais nous autres, on ne voit pas notre monstre. On ne voit pas notre monstre. Parce qu'on se regarde dans le miroir et on a des beaux yeux bleus, on a un beau nez, on est bien fait, fait qu'on ne voit pas un monstre. Mais il est là pareil, le monstre. Il y a du monde, tu regardes son beau, des vrais dieux. Tu regardes en dedans, c'est une vraie puanteur. Puis il y en a, c'est l'air, c'est pas regardable. Tu regardes en dedans, c'est de l'or, tu sais. Fait que c'est subtil. Dans la destruction des attitudes, Il y a un mécanisme universel qui doit être compris par l'homme. C'est que l'homme doit comprendre que le mécanisme, toute l'énergie, toute la nourriture qui passe par le système veineux qui crée le corps astral, qui donne sa force, toute cette énergie-là, toute cette information-là, émotive et mentale, surtout la mentale, elle vient du haut astral. Elle vient de la mémoire de l'âme de l'individu. Et dans le cas, parce que je veux prendre le cas des alliances, des mariages, où hommes et femmes partagent la vie ensemble. Ça va même au niveau de l'industrie. Un homme ne peut pas se permettre d'analyser, de réagir à de l'information qui touche ses oreilles ou ses yeux avant le temps. Autrement dit, on ne peut pas sauter aux conclusions. Et les gens sautent aux conclusions quand il se passe quelque chose. Exemple. Tu travailles dans un bureau, le patron vient de décider de clairer 5 gars. Aussitôt que tu as reçu cette information-là, toi tu penses que tu es éclairé aussi. Ou que ça te rentre dans la tête que tu es éclairé. Ça te touche de près. Un homme conscient ne peut pas se permettre d'être touché par l'information qui vient de l'extérieur avant que cette information-là soit confirmée par l'événement. Parce que si il se nourrit de cette information-là avant que les événements confirment, à ce moment-là, il perd de l'énergie. Et à ce moment-là, ses attitudes vont faire en sorte que il va se nourrir des informations et il va s'empoisonner. Je prends le cas de la jalousie parce que c'est un cas qui est clair et net, la jalousie. Ça explique toutes les autres. La femme est jalouse. Non, on va prendre le gars qui est jaloux. Le gars, il est pas beau. Il est pas beau, le gars. C'est pas une beauté. C'est pas James Bond. Okay. Mais il est bon. C'est un bon gars. Sa femme, elle l'aime. Mais elle en rencontre un qui est beau. Qu'elle aime ça parler avec parce qu'il est bien le fun. T'sais, il a des qualités. Il a une sorte de personnalité qui est intéressante. Elle aime ça parler avec lui. Mais lui, il n'a pas cette personnalité-là. Mais la femme, elle aime son mari parce qu'elle aime ce qu'il a, lui. C'est un bonhomme avec qui vivre. L'autre, c'est un bonhomme avec qui parler, pas pareil. Mais le gars, lui, il est enfant de chienne l'overtime. Fait qu'automatiquement, le sentiment de jalousie se développe. Puis il se développe pourquoi? Parce qu'il y a en lui des attitudes qui vont nourrir le sentiment de jalousie. Pourquoi? Parce que les attitudes, au fur et à mesure que le temps va avancer, c'est le système de veines. Toutes les impressions, toute l'information, là, elle a parlé avec ce gars-là qui est cute. Il a même demandé de jouer au tennis. Puis lui, il aime pas ça, jouer au tennis. Il aime ça lire des livres ou il aime ça aller aux vues. Mais le tennis, il est pas intéressé à ça. Puis elle est musclée, puis elle aime ça jouer au tennis. Fait que lui, il a dit, Jean-Paul, m'aller avec George jouer au tennis. Tu parles que Jean-Paul n'en fait pas du sang de cochon. Là, l'information du tennis, elle rentre dans les veines puis elle nourrit le corps astral. Si George était intelligent, pas smart. C'est pas assez intelligent, ça, être smart. Mais si George était intelligent, si Jean-Paul était intelligent, il attendra au moins. D'abord, si sa femme est intéressée plus qu'aux balles de tennis, il va le savoir dans le temps, et pas pour lui dire. Même s'il demande, puis il dit, pitou, t'es-tu intéressé à George? S'il est moindrement intelligent, il sait bien qu'elle va dire, ben non, je suis pas intéressé à George, viens jouer au tennis, crisse-moi la paix. Mais si Jean-Paul est intelligent, il va attendre, puis il va regarder, puis de temps en temps, il va aller sur sa cour de tennis pour aller voir sa femme, puis George joue au tennis, puis ça va savoir qu'effectivement, sa femme, puis George, ils jouent au tennis. C'est tout. Puis que même peut-être George est intéressé à y montrer à Jean-Paul comment jouer au tennis. Mais s'il saute aux conclusions, Jean-Paul, il est fini. Là, les attitudes, l'information vient. Lui, il est blond, il est cute, il a les yeux bleus, là, il mesure 5 pieds 2, il est pas beau. T'sais, tout ça, ça rentre en jeu. Puis lui, il sait pas que sa femme, elle aime ses qualités de cœur, puis l'autre, elle aime ses qualités musculaires. Sa femme, elle vit pas avec un muscle, elle vit avec un gras. Je savais que vous étiez pour me dire ça. Je savais que vous étiez pour me dire ça. Puis savez-vous pourquoi est-ce que j'ai dit un muscle? C'est pour vous faire réaliser que la raison pourquoi j'ai dit que l'autre c'est un muscle puis l'autre c'est un cœur, c'est parce que là, juste qu'il y a un muscle, il peut avoir plus tard un cœur. Parce que je veux développer, c'est mon affaire de Jean-Paul. Mais en attendant, c'est un muscle. Comprends-tu? Mais là, Jean-Paul, il commence à s'énerver. Il est toujours rendu sur la cour de tennis. Il est rendu que des longues vues, comprends-tu? Puis le soir, à la table, il était en maudit. Elle dit, on t'a bien en face longue. Puis elle dit, qu'est-ce que t'as? J'ai rien. C'est évident qu'il y a quelque chose. Il y a d'être des masques arabes. Fait qu'elle dit, t'es pas jaloux, Jean-Paul? Il dit, non, je suis pas jaloux. Il échappe son verre sur la table. Fait que là, elle l'aimait son mari avant, pour ce qu'il était. Mais là, elle commence à voir qu'il n'est pas mûr, qu'il n'a pas de maturité. C'est qu'il est... Il est faible. Dans 6 mois, le muscle va devenir un cœur. Puis Jean-Paul va devenir un muscle. Comprends-tu? Puis ça va être sa faute à Jean-Paul. Ça va être sa faute à Jean-Paul. Parce qu'il y a une chose, les femmes et les hommes, c'est pas pareil. Les femmes comprennent pas les hommes, puis les hommes comprennent pas les femmes. C'est le dilemme des hommes puis des femmes. Les femmes pensent qu'ils comprennent le mari. Puis les maris pensent qu'ils comprennent leurs hommes. Et qu'ils se comprennent pas. Pour comprendre ton mari, puis pour que la femme comprenne son gars, ou vice-versa, faut que tu sois dans ton intelligence. Puis quand t'es dans ton intelligence, tu le comprends, ton mari. Tu le sais, ton mari, puis à ce moment-là, tu ne souffres plus de ton mari. Tu le vois? Tu vas l'aider à évoluer, tu vas l'aider à développer une relation avec toi de plus en plus intelligente. Mais parce que tu le comprends. Puis tu l'aimes, ton mari. Peut-être que Jean-Paul, eh bien, c'est pas une beauté, mais tu l'aimes, Jean-Paul, parce que Jean-Paul peut faire des choses que Georges ne peut pas faire dans ta vie. Mais à cause de ses attitudes qui se développent, Jean-Paul, il perd conscience de la valeur qu'il a pour sa femme. Parce que les femmes, il y a bien des femmes qui gardent tout en dedans. Ils gardent en dedans, puis ils gardent en dedans. Une femme, ça a bien plus tendance à garder en dedans puis pleurer dans son coin qu'un gars. Ça garde en dedans, une femme, puis ça garde en dedans, puis ça garde en dedans. Puis une femme, c'est bien plus sincère qu'un homme. Malgré que les hommes ont aussi de la sincérité. Mais le problème avec les hommes, c'est que les hommes, dans le domaine de la jalousie, je prends ça comme exemple, développent des attitudes, puis les femmes développent des attitudes, et ces attitudes-là nourrissent les veines du corps astral, puis éventuellement, surtout dans certaines défaillances psychologiques de la personnalité, comme dans le cas de la jalousie, éventuellement, si vous n'en arrivez pas à corriger vos attitudes, surtout dans des domaines tels que la jalousie, vous risquez un jour de perdre votre mari, vous risquez un jour de perdre votre femme, pour deux raisons. Parce que premièrement, vous n'avez pas réalisé que votre mari il vous aime, ou votre femme il vous aime, ça vous l'avez pas réalisé. Puis deuxièmement, parce que vous avez développé tellement d'attitudes qui ont fait que vous êtes devenu tellement jaloux ou jalouse que c'est rendu que votre mari il est plus intéressé à vous, c'est rendu que vous y puez au nez. Alors, les meilleurs sentiments qui peuvent exister dans le cœur ou dans l'esprit d'une personne, pour son mari ou pour sa femme, peuvent se décolorer. Qu'une personne ne s'imagine jamais que les sentiments pour sa femme ou pour son mari ne peuvent pas se décolorer. Tout sentiment se décolore, puis je vais vous dire qu'est-ce que c'est qui décolore les sentiments le plus. C'est la stupidité. Ben, quand un gars qui aime sa femme ou qu'une femme qui aime son mari, et que l'autre n'est pas assez intelligent, assez libre dans son esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de veines dans son corps astral assez plastique, assez flexible, pour laisser passer du courant, pour que lui ou elle puisse aller jouer au tennis avec George, pendant que lui, ça lui permet de lire ses livres dans sa bibliothèque, éventuellement, il se fait une séparation, une séparation, une séparation, une séparation. Et c'est ça qui amène les gens à se séparer. Parce que quand un homme et une femme se rencontrent, ils s'aiment. Et quand un homme et une femme se laissent, c'est pas parce qu'ils s'aiment plus. C'est parce qu'ils ont perdu la capacité de s'aimer. Et pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la capacité de s'aimer? Parce que le courant entre les deux a été coupé. Pourquoi il a été coupé le courant? Parce que les attitudes de l'un ou de l'autre ont coupé le courant. C'est ça que je veux en venir. Dans un, quand les lianes commencent à se tourner un petit peu trop autour d'un arbre, éventuellement l'arbre ne peut plus respirer. Un homme, il faut que ça respire, puis une femme, il faut que ça respire dans la vie. Puis quand tu as aimé un homme dans la vie ou que tu as aimé une femme dans la vie, tu l'as aimé, cet homme-là. Autrement dit, il y a une vibration, il y a un lien vibratoire là, qui est établi. Il y en a un lien vibratoire. Il y a du courant entre les deux qui passent. Mais avec les années, avec les attitudes, vous coupez ce courant-là. Vous le brisez, ce courant-là. Puis je vais vous dire pourquoi est-ce que quand un homme et une femme se rencontrent, qu'il y a de l'amour entre les deux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand un homme et une femme qui se rencontrent, puis qu'il y a du courant entre les deux, le courant qui est entre les deux, c'est un courant qui est mis dans l'homme et dans la femme pour qu'ils vivent et qu'ils soient heureux ensemble. Puis l'homme et la femme, ils sont amenés ensemble. Tu rencontres pas n'importe qui dans la vie. Quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, c'est parce que tu as été amené pour le rencontrer. Tu as toujours été amené pour le rencontrer, mais tes maudites attitudes éventuellement vont faire en sorte que tu vas couper le courant, fait que là, tu vas être obligé de recommencer avec un autre. Puis tu peux recouper le courant encore, tu vas être obligé de le rencontrer avec un autre. Puis c'est de même que ça marche les relations entre les hommes et les femmes. Fait que la vraie histoire que quand tu rencontres un homme puis une femme dans ta vie, que ta femme puis ton mari, vous pouvez vivre toute votre vie heureux ensemble, c'est vrai ça, et c'est réel. Mais ça peut pas être réel si vous avez pas réussi à aller au-delà de vos attitudes. Parce que ce sont vos attitudes qui vont briser et qui vont ruiner éventuellement votre relation. Que vous soyez beau ou pas beau. Autrement dit, dans la rencontre entre un homme et une femme, il y a deux forces qui existent. Il y a une force universelle, qui est l'ajusteur de pensée, dans les deux êtres, et il y a une force astrale, qui est le sens, l'orientation sensuelle de vos corps par le biais de vos sens, pour que l'attraction se fasse. Alors, vos sens, votre corps astral, vont vous permettre d'aller vers tel genre de personne ou tel genre de personne. Mais ce n'est pas votre corps astral qui va vous lier avec telle personne ou telle personne. C'est l'ajusteur de pensée. Ça veut dire que quand un homme et une femme se rencontrent dans la vie, ils sont amenés par l'ajusteur de pensée et les sens servent à subordonner, à baquer cette relation-là qui est établie pour eux autres. Seulement, eux autres n'ont pas de pouvoir sur votre conscience astrale. Parce que vos sens sont très forts. Votre inconscience est très grande. Et après un certain nombre d'années, le système veineux dans le corps astral est tellement étouffant que la relation qu'eux ont créée entre vous, en tant qu'hommes et femmes, vous la détruisez par l'étouffement à cause des attitudes que vous avez dans votre corps astral. Alors, qu'est-ce qui se produit? Vous êtes obligé de rencontrer une autre femme et un autre homme parce que c'est plate de vivre ça, ainsi de suite. Puis éventuellement, rendu à 60 ans, ben là, vous êtes obligé quasiment de rester avec le même gars et la même fille parce que rendu à cet âge-là, t'as plus grand bataille à gagner. Alors, quand tu meurs, tu t'en vas sur les autres plans, puis là, ton mari, ton chum que t'as eu, ben, il s'en va lui aussi sur les autres plans, puis un jour, la connexion se refait encore, puis il devient ton enfant, puis tu deviens son oncle ou son père ou quelque chose. Puis ça continue, les liens karmiques continuent de même. Le système des attitudes, c'est un système psychologique astral de très haute puissance. C'est un système qui gère les affaires humaines. C'est un système qui contrôle l'évolution de l'homme. C'est un système qui est à la base des souffrances des hommes et des femmes. C'est un système qui est à la base des souffrances de toute l'humanité d'aujourd'hui. Les attitudes sont les liens qui s'entourent autour de l'arbre de vie qui est l'intelligence et qui l'étouffe. Et pour qu'un homme en arrive à réaliser ceci, à détruire ceci, à ne plus vivre d'attitude, à ne vivre que d'intelligence, il est obligé, à un certain moment de sa vie, là où il y a un conflit créé par des attitudes, il est obligé à un certain moment de sa vie de faire, de craquer la coquille de l'œuf pour faire sortir le jaune. La plupart des gens ont un œuf et en dedans, il y a le jaune, mais ils n'ont jamais vécu leur jaune d'œuf. Ils ont toujours vécu au niveau de la coquille, puis de la coquille, puis de la coquille, les attitudes. La femme a dit, tu m'aimes-tu? Puis le gars, là, ses attitudes, là, sont tellement fortes, ses attitudes, qu'il n'est pas capable de dire à sa femme, oui, mon chou, je t'aime. Après une, chicane. Vous vous êtes chicané dans votre vie avec vos blondes puis vos maris. C'est tough après de dire, oui, mon nounou, je t'aime. Ben oui, je t'aime. Tu sais, le jaune d'œuf, oui, mon nounou, ça, c'est le jaune d'œuf, oui, mon nounou, je t'aime. Mais le jaune d'œuf, ils sont pas capables de croquer, de briser la coquille. Le gars, il dit, tu m'aimes-tu, mon chou? Elle dit, c'est tough. Tu sais, l'ego, le Christ d'ego, là, il empêche, là, que la coquille pète, que le jaune d'œuf sorte, puis qu'elle dise, oui, mon nounou, je t'aime. Puis que les larmes coulent un peu, c'est bon que les larmes coulent un peu. Mais quand il y a trop d'attitude, il se développe un orgueil dans la crise de personnalité, les larmes coulent plus. Puis quand vos larmes pourront plus couler entre vous autres, vous aurez plus d'amour entre vous autres. Parce que les larmes, sont le résultat de l'écrasement de la coquille et le jaune d'œuf qui sort. Les larmes, c'est la flexibilité des veines qui constitue tout ce système de lianes du corps astral. Puis il y a des gens qui ne sont pas capables de pleurer dans la vie. Pour bien des raisons. Mais c'est toujours à cause de leurs attitudes. Ça va grave, belle. Puis entre un homme et une femme, que ce soit le gars ou la femme, quand il y a un conflit, puis qu'il y en a un qui réalise qu'il avait tort, à cause de ses attitudes, c'est bon qu'il puisse broyer un petit peu. C'est bon qu'il puisse faire savoir à sa femme qu'il aime sa femme. Mais les attitudes sont fortes. Ça vient d'où? Ça vient de l'astral. L'astral brisera vos liaisons, brisera vos alliances, brisera vos mariages. L'astral divise l'homme contre l'homme. Seule l'intelligence réelle dans l'homme peut unir contre toutes les forces qui viennent de l'astral. Quand vous serez dans votre intelligence, vous pourrez couper, segmenter toutes ces lianes qui font partie, qui créent, qui donnent la nourriture, la consistance à votre corps astral. Et à ce moment-là, vous aurez un corps astral un petit peu plus en santé. Vous pourrez vivre émotivement d'une façon plus relaxe. Vous pourrez vivre d'une façon mentale plus relaxe et automatiquement, vous commencerez à pouvoir sentir en vous le potentiel de votre intelligence vis-à-vis des autres, vis-à-vis votre femme, vis-à-vis votre mari, vis-à-vis les gens. Les attitudes sont des lianes tellement fortes que ce sont les seules forces sur la Terre qui permettent à la conscience expérimentale de l'homme de demeurer. Que vous regardiez votre comportement à quelque niveau que ce soit, vous verrez toujours que dans les conflits, à l'intérieur de vos alliances, que ce soit homme-patron, homme-femme, homme-enfant, que c'est toujours une attitude qui bloque la descente de l'énergie d'intelligence. Et un homme ne peut pas se nourrir d'intelligence tant qu'il n'a pas suffisamment rompu ces liens-là. Parce que l'intelligence, elle est étouffée par les attitudes. Parce que, par les attitudes, dans ce système veineux-là qui crée le corps astral, l'âme dirige les opérations humaines. la force de l'âme et l'appliquer au niveau des attitudes. C'est l'âme qui vous crée, qui vous fait vivre vos attitudes. Et dans l'âme, mes chers amis, il n'y a aucune intelligence. Il n'y a aucune intelligence dans l'âme. Il n'y a aucune intelligence dans l'âme. Quand vous pourrez comprendre ça, qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'âme, vous comprendrez énormément de choses et votre vie sera énormément facilitée. Alors, si on réalise qu'il n'y a aucune intelligence dans l'âme, même pas un peu, on s'aperçoit à ce moment-là que toutes nos attitudes dans la vie sont en dehors de l'intelligence pure. Ça veut dire que si notre vie a été créée, construite, montée avec des attitudes, notre vie, elle est extrêmement délicate. Très délicate. Mais elle est tellement délicate qu'aussitôt qu'il souffle un vent, des interférences, des situations, on est sujet à la souffrance sur la terre. Quand je vous dis qu'il n'y a aucune intelligence dans l'âme, qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'âme, moi-tu vous le répéter assez pour que vous sachiez un jour par vous-même que dans de l'âme, il n'y a pas d'intelligence, il y a simplement de la mémoire expérimentale qui coïncide avec vos attitudes passées. Fait que, imaginez-vous que l'homme est dans un maudit pétrin de vie. Fait que, imaginez-vous que l'homme ne peut pas être heureux. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire. Je donne un exemple. Je prends homme et femme. Si un homme fait de la peine à sa femme, ou si une femme fait de la peine à son mari, automatiquement, un ou l'autre joue le jeu de l'âme. C'est impossible, quand tu es dans ton intelligence, de faire de la peine à ta femme. C'est impossible, c'est absolument impossible. Fait que chaque fois que vous avez fait de la peine à votre femme ou à votre mari dans votre vie, vous avez joué le jeu de l'âme et vous, l'âme s'est servie de vos attitudes pour le faire. Puis c'est pour ça que vous avez la tendance philosophique de dire que c'est impossible de vivre un mariage ou une vie à deux et d'être pleinement heureux. C'est vrai que c'est impossible pour vous autres, pas pour moi. La minute que tu fais de la peine à ta femme ou à ton mari ou à ta blonde, tu n'es pas dans ton intelligence. Fait que ça vous montre jusqu'à quel point ça va loin les attitudes humaines. Puis la raison que je vous dis ça, c'est parce que quand un homme puis une femme s'aiment, ça veut dire quoi ça? Qu'un homme puis une femme s'aiment. Ça veut dire que dans l'homme puis la femme, il y a du courant qui passe. Le courant, il vient d'où? Il vient de la conscience universelle de cet homme et de cette femme-là. Ça veut dire que ce courant-là, il est intelligent. Mais ce courant-là, il n'est pas absolu. Parce que la conscience astrale, le système veineux, qui prend de l'information de tout partout et qui se crée des attitudes, coupe ce courant-là. Fait que moi, je sais que c'est très possible à un homme d'être parfaitement en équilibre avec sa femme quand ils sont dans leur intelligence,